Allah, il y a une action. Et Allah, il va pardonner à Foulan, il va faire miséricorde à Foulan, et l'akhir. Ça, c'est le Rahim. Et il y a un acte. Je peux avoir une sifa, et il y a un acte. Falihada, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, on a des sifa dhatiya. Et Ar-Rahim, c'est pas fi'liya. C'est pas fi'liya. Fahada, ahsan maqil fi al-farq baynahuma. Ahsan maqil fi al-farq baynahuma. نقرا عليكم كلام ابن القيم في هذا قال الامام ابن القيم عليه رحمه الله اما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى هو احسن من المعنيين الذي ذكرهما اي يعني كلام قبل هذا قال وهو ان الرحمن يدل على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم الرحمن ستنطق الله إلى الصفة إلى لا تخبر لا ميزيغيكو تستفيد من هذا الرحيم ستنطق الله عز وجل الصفة Il va pardonner avec. Il va faire miséricorde à Fulan et à Fulan. Et à Fulan. C'est ça la différence entre Rahman et Rahim. Ahsan maqil hada. Ahsan maqil. Farrahman ziva dhatiya wa rahim ziva fi'liya. Qal, wa rahim dallun ala ta'alluqiha bil marhum. فكان الأول للوصف والثاني للفعل الرحمن سان وصف سان اتخيبو الرحيم سان اكسيون أي إيبا باردوني إيبا فير ميزيريكور قال فالأول دل على صفة أن الرحمة صفة والثاني دل على أنه يرحم خلقه برحمته قال وإذا أردت أن تفهم هذا فتأمل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما كان بالمؤمنين رحيما أنتم تقصوا آية الآن بغبغ الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما عندك فؤاد لا المتقص الآية المتق يرحم المؤمنين سبب كانها خاص بالمؤمنين لأن في سورة البقرة بالناس تستفيد ماذا؟ بغبغ أسكونا دي تركوا خاص بطخاف سيأتي هذا تستفيد ماذا؟ لا بغبغ النبي الآن يبغبغ هو وكان بالمؤمنين رحيما سبغبغ أسكونا دي أحسنت أن الله يرحم أن الله يرحم تستفيد الآية وكان بالمؤمنين رحيما أي أن ينكسوا أن الله عز وجل يبغفر ميزيريكم أكويون الآن ابن القيم الدي ولم يدي قط الرحمة وكان بالمؤمنين رحمانا الآن لا لا ديفيرونس اسكو تا جونتاندو اون آية أو اون سنة أنه يقول كان بالمؤمنين رحمانا لا اسكو رحمان سي با ان فعل الفعل سي الرحيم فسي الله عز وجل يبغضن مثلا ومخلوق يدي رحيم يجي با رحمان يجي با رحمان هذا مفهوم لعله مفهوم نعم يرحمهم يا فعل الرحمن سالإس الرحمون يرحمهم الرحمن لا يا الفعل تبلو بزاد قدر قال فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة والرحيم هو الراحم هذه الخلاصة أن الرحمن سالسلوي كلام زغيكور الرحيم سالسلوي كلا الدن سمفهوم هذا ما يتعلق بالرحمن والرحيم هذا أحسن ما قيل بعض العلماء يقولون أن الرحمن يعني عام والرحيم خاص وهذا يشكل عليه آية البقرة أي في لفظ الناس إلى من رحيم إلى من الناس والناس يشمل الجميع فأفضل ما قيل والقول الذي سلم من الانتقادات قول ابن القيم أين الرحمن هذا والرحيم هذا والرحيم هذا بدائع الفوائد أحسنت المرجع كتاب ابن القيم بدائع الفوائد قال الإمام Je suis capable de comprendre cette masala à la fin du dars. Ou, Inch'Allah, vous voyez avec le frère avec qui vous faites le muraja'a. Ou, vous demandez à la fin du dars. قال المؤلف عليه رحمة الله اعلم رحمك الله قال الشيخ العثيمين العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما قول

je te donne une mas'ala, Abu Bakr, maintenant je te dis, ma hukm kada. À 80%, t'es pas sûr à 100%, à 80%, tu penses que c'est ça. On va t'appeler, on va dire, t'as du dhan. T'as du dhan. T'as une autre mas'ala, les 20% qui restent, maintenant, je te dis, c'est quoi, hukm kada? T'es pas du tout sûr. Tu te dis 20% c'est kada. Ça va s'appeler al-wahm, celui-là. Huna c'est le wahm, huna c'est le dhan, huna c'est le shak. Et si tu sais tout, c'est l'ilm. Si tu sais rien, c'est le jahl al-basir. Si tu sais rien et tu crois savoir et tu te trompes, c'est le jahl al-murakkab. C'est le jahl al-murakkab. Mafhoum? هذا سجي أصول سجي أصول أما عند علماء مثلا عند الفقهاء الفقهاء مثلا ils ont trois choses ils ont العلم ils ont le jahm أي tu connais la chose أو tu la connais pas أو t'as un doute que ça soit 20% 30% 50 80 chez eux c'est pareil شك t'as un doute ils vont pas tenser dans le wahm فهذا إن شاء الله سيأتي معكم في الأصول. Les frères, là, ils attendent le tawhid. Hier, c'était Nahou, aujourd'hui, c'est Osoul. Inch'Allah, on passe et on a trouvé le kitab. Hadith, c'est Muqaddimat, là, Aboudmine, Dakara, Ajar, Mu'taymin, fa, Nashraha. Nashraha. Al-An, qui c'est qui nous donne les six dans l'ordre? Entabihou, l'An. Al-An, si vous avez compris, les six, je les répète, Al-Ilm. Al-Jahl al-Basit, Al-Jahl al-Murakkab, Al-Wahm, Al-Shak, Al-Dhan. Qui c'est qui nous fait dans l'ordre du plus fort, يعني في العلم يعني du ilm à celui qui sait le moins, qui c'est qui nous fait l'ordre? Je nous fais l'ordre, Cheikh Al-Athaymi ne les a pas mis dans l'ordre. Qui c'est qui fait l'ordre? L'ordre, tu vas commencer le plus fort. Le plus fort, c'est quoi? C'est l'ilm. Et tu vas jusqu'au plus faible. Cheikh Al-Athaymi ne les a pas mis dans l'ordre. Toi, tu dois les remettre dans l'ordre. Al-An, si tu as compris, c'est facile. Tafadhal Abou Jaïma. Al-Awwal, Al-Ilm, Ahsan. Le deuxième, Al-Wahm. T'as un verset avec l'autre, c'est l'autre. Al-Wahm, on a dit, c'est dès que t'as 80, non. C'est les 20%. Enfin, il est plus faible que 80. Ouais. Enfin, les 80, c'est l'autre. Al-Dhan. Ahsan, le premier, Al-Ilm. Le deuxième, Al-Dhan. Le troisième, Al-Wahm. Là, avant. Indak? Là, Al-Shak. Le troisième, Al-Shak. Shak, t'es sûr, t'as du ilm, ou tu penses à 50. À 50. Après Shak, ça va être Al-Wahm. Ahsan. Après Al-Wahm, ça va être Là, Al-Jahl al-Basit. Et le dernier, Al-Jahl al-Murakkab. Al-An, t'as l'ordre, yani, du plus fort à Yvel-Ilm, jusqu'à Al-Jahl al-Murakkab. Et Al-Jahl al-Murakkab, c'est le pire. Il ne sait pas, il croit qu'il sait. Et Inch'Allah, vous verrez ça avec l'Usul. Al-Dhan. Al-An, on donne un mital pour tabak tout ça. Et après, on passe. Al-An, mathalan, si on demande à quelqu'un, mathalan, est-ce que salat elle est wajiba? Est-ce que salat elle est wajiba? Al-An, s'il répond elle est wajiba, c'est du quoi? Ilm. S'il dit elle est haram, s'il dit salat elle est haram, c'est jahl murakkab. Jahl murakkab. S'il ne sait pas. Hein? S'il ne sait pas, il dit l'alam, ma adri. S'il a un doute, ça dépend le doute, c'est lequel? Ça dépend. Eux, ils traduisent tout par doute. Amma shak wal wahm wal dhan. S'il est sûr, ou s'il a un doute, il y a 20%, il pense qu'elle est wajiba. 20%, il a un shak kabir. Il va avoir quoi? Al wahm. S'il a 80% sûr, ça va être? Hein? Al dhan. Ahsantum. Voilà, c'est facile, l'ilm, il faut sabr wa fahm. Faqat. Et si tu n'as pas compris, ce n'est pas une catastrophe, la jama'a. L'essentiel, c'est la haqiqa, c'est l'ijtihad. Wallah, si tu ijtahad et tu ne lâches pas, tu vas comprendre. Tu n'as pas compris aujourd'hui, tu vas comprendre demain. Tu n'as pas compris demain, après demain. L'essentiel, c'est essaye et tu continues. Nas'Allah lil jami' at-tawfiq. Tafadhal. Naam. Le dhan, c'est maintenant, tu as un chèque, toi. Tu n'es pas à 50. Tu as un chèque, il est à 80. Le plus gros, ça va être le dhan. Et la petite partie, ça va être. Al-Wahm. Et le milieu, c'est le chèque. قال والعلم ينقسم إلى قسمين ضروري ونظري الآن غض عنك مسألة شغل عثيمين اسم المسألة الأصول كذلك أن العلم ديفيزون دو ضروري ونظري إيه بعد ذلك سبيكري دو فبزون تخدوير سيأتي المعنى بالعربية سبيت واضح قال فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر أو يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن النار حارة مثلا ساس العلم العلم الآن لفت دو صفوغ انشوز ساس ديفيزون دو واعلم أن هذا التقسيم اللي تبع عند السلف السلف عندهم العلم سالعلم لكن العلماء خاصة العلماء الأصول علماء الكلام يسمونه بك هذا التقسيم لا بس يخالف فشر هذا التقسيم يخالف فشر ايه زودي ساس ديفيزون دو العلم يبقى ضروري اي كل موضوع كونه T'as pas besoin de chercher, t'as pas besoin de dalil, t'as pas besoin. Matalan, Cheikh Outaymin, il a donné l'exemple, An-nar harra. Matalan, tu demandes à n'importe qui, Ami, il a l'alim, tu lui demandes, est-ce que le nar, est-ce que le feu, ça brûle, il va te dire oui. T'as pas besoin d'ilm, t'as pas besoin de chercher. C'est un ilm que tout le monde a, que tout le monde a. Le feu, ça brûle, l'eau, ça mouille. L'eau, ça mouille. Il est akhir. Le stylo hada, il est bleu. T'as pas besoin de faire un baht, il est bleu, tout le monde sait qu'il est bleu. Tout le monde sait qu'il est bleu, il est akhir. فهذا صنع علم ضروري. Tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. وضابط العلم الضروري أنه لا يحتاج إلى استدلال وبحث ونظر. C'est ça le ضابط. Tu reconnais العلم ضروري, t'as pas besoin de faire de recherche. T'as pas besoin de faire de recherche. العلم قال والثاني قال والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الوضوء. هذا الدوزيام c'est العلم النظري أي t'as besoin de نظر t'as besoin de regarder t'as besoin de rechercher t'as besoin de دليل مثلا je te dis مثلا est-ce que السواك c'est une sunna بعض الناس ils savent pas هذا بعض الناس savent pas il y a des دليل qui montrent السواك c'est une sunna ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة Ça, ça montre que c'est une sunna. Les anna, il n'y a pas eu d'âme. Il n'y a pas eu d'âme. Tu as eu ça avec un dalil. Tu as eu ça avec un dalil. Un dalil, maintenant, celui qui délaisse salat, est-ce que c'est un kafir ou pas? Ça, tu as besoin de dalil. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. الآن تدليل تدليل إلى آخره المهم أن هذا أن هذا العلم النظري t'as besoin de recherche t'as besoin de preuve t'as besoin de demander إلى آخره et c'est celui-là qui vient avec طلب العلم أما l'autre t'as pas besoin de طلب العلم ضروري tout le monde le connaît tout le monde le connaît وهذه مسألة أصولية مسألة أصولية الآن ألخص ماذا يريد شغل الإسلام من إعلم Qu'est-ce qui récapitule? Al-an, avec tout ce qu'on a vu, i'lam, ça veut dire quoi? I'lam. Bil lughah al-arabiyya. Indak. Ahsant. Awalan, yunabbihuk. Aïe, Cheikh l'Islam, il attire ton attention, il dit i'lam. Aïe, il attire ton attention que ce qu'il va dire, al-an. Ce qu'on va lire, al-an, c'est très important. I'lam. I'lam. Aïe, sache. Aïe, le kalam, il va être muhim. Et ça veut dire quoi? I'lam? Bil lughah al-arabiyya. العلم ما هو العلم لا لا لا تعريف خنافي يا أخي عندك أحسنت يا أخي وفين لير الكلام إدراك الشيء على ما هو عليه أي شيخ الإسلام يدي إعلم Hey, tu dois savoir, tu dois connaître les choses qu'il a dit comme elles sont. Mais on va voir que Bardan Nas, ma'rifat l'islam, pour lui l'islam c'est une chose, c'est pas comme une chose que le Coran et le Sunna nous ont montré. Ma'rifatullah, inda Bardan Nas, c'est du shirk. Bardan Nas, ils font du shirk, ou ils vont que c'est du tawhid. Ça montre qu'il n'a pas d'ilm. C'est un jahil murakkab, un jahil murakkab. Maintenant, il va vers une tombe, il adore la tombe. Pour lui, c'est du tawhid. Il dit, je me rapproche envers Allah, cette personne. Pour lui, c'est du bien. عندنا c'est من أعظم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم. أما شيخ الإسلام il dit اعلم أي dans ces مسائل tu dois être à la علم. Les مسائلs qui va dire t'as pas le droit d'avoir du choc. 50% ouais on m'a dit là là. Ces مسائلs qu'on va voir tu dois être à 100% c'est du علم. C'est du علم. C'est التوحيد. C'est التوحيد أعظم العلوم. قال اعلم رحمك الله. لما ذكر ونبه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله اعلم ذكر الدعاء الدعاء رحمك الله. الآن شيخ الإسلام يدفن دعاء يدفن دعاء. أولا تستفيد من هذا أن حلقة العلم فيها خير وطلب العلم فيه خير، لأن نحن الآن نطلب العلم نحن الآن يعني مثلا نطلب العلم نقرأ هذا الكتاب فلا الدعاء نتش الآن وفي أنه رحمك الله فشيخ الإسلام نزفين دعاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجب له نستجب له، فهو من أولياء الله من أولياء الله نحسبه كذلك والله حسيبه، فلعل الله عز وجل يستجيب له. الآن رحمك الله الدعاء كده في الله يجزوس فبإذن الله تسجل كده الله يغفر الرحمة أو يغفر الرحمة. تستفيد أولا هذا أن طلب العلم يجو خير، طلب العلم يجو خير يجو خير كثير، أن الله يرحمك، أن سنطريق إلى الجنة، أن في المسجد قد حسنات قد حسنات إلى آخره، تدخل الدين فرحمك الله ستموت أن شيخ الإسلام يدفجو خير. تستفيد فائدة ثانية أن رحمك الله ستموت أن الدعي إلى الله يدفع الله رحمة وغير لزوت يدفع الله رحمة وغير لزوت. إذا تأملت قوله اعلم رحمك الله تستفيد فائدة عظيمة في الدعوة تستفيد إن فائدة عظيمة في الدعوة، أن الداعي إلى الله celui qui appelle à la religion celui qui appelle au din il doit avoir deux choses العلم لأن il dit اعلم أي va t'apprendre quelque chose doit avoir du علم et il doit avoir la rahma pour les autres il doit avoir la rahma اعلم رحمك الله. فالداعي إلى الله il doit avoir du علم et il doit avoir la rahma pour les autres. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم الرحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكن من أرحم الناس بالخلق من أرحم الناس بالخلق، فأنت في الدعوة تنبت سيدو سوفي هؤلاء حتى الكافر تنبت. نحن الآن مثلا في الدعاء كفار أي أيوة لزبل الإسلام أسد الجهال لا يعقلون صم بكم عمي كما قال عز وجل يكون خنقياهم سي سامع أني من أرحم الناس بهم العلماء وطلبة العلم بور الكفار، لأن أنت تسير لفق دعوة بور لفق سختر من الضلال بور لمني إلى الجنة، ولكن هو يكون خبا لكن أكثر الناس لا يعلمون. من أرحم الناس بأهل البدع علماء الجرح والتعديل من أرحم الناس بهم، لأن العالم مثلا إذا وقع كنت فلان سرحمة به، لكن كذلك أكثر الناس لا يعلمون. عالم مثلا إذا وقع كنت فلان سبقوا إلا سين رحمة بقولي كم سيوم قيامة إلى بابيشي أو يوم القيامة إلى موان سويفر، لأن سيلا سلموت كل من فاكسوير يحمل أوزارهم يوم القيامة. فالعالم هو يفسع يعني سرحمة به. فمن أرحم الناس بالخلق العلماء. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، أهل السنة خاصة العلماء سمن أعرف الناس بالحق سد علماء كل اسلام بغيتي سلي جون كون بلوس دو رحمة بور لي زوتر حتى الكافر. أما نحن مثلا سكوا كي ديرونج الكافر يبقى في النار وبا تو إن شاء الله سي تبقى في الجنة الكافر يبقى في أوكامان فقوك ما لي بالي في النار، لكن توا تنموت رحمة به تفير فيخ سوختر دو هذا يكيلا يبقى في الجنة، أما الكافر يبقى تخوض يبقى تعمل يبقى في النار فلا يستوي هذا وهذا أبدا. فهذه فائدة، اعلم رحمك الله أن الدعوة مبنية على علم أنا مبنية على الرحمة. Ça ne veut pas dire, il ne faut pas comprendre ça, يعني de ces paroles qu'on a dit, رحمك الله, أن تتنازل عن الدين, tu laisses passer des choses, ça c'est pas grave, لا, حق. الحق أن يتبع. لكن الأصل c'est le rifq. Dès que tu appelles السنة, أو الإسلام, الأصل c'est le rifq واللين. C'est la douceur et l'akhir. C'est ça l'asr. Lakin ahyanan, si c'est un mu'anid, à une personne fait exprès, il se moque et l'akhir, la bas, chez min al-shidda. Comme ça, il comprend. La bas. Ça ne veut pas dire que daïman ta ar-rahma. La. Qala azza wa jal, ya ayyuhan nabi, jahid al-kuffar wa al-munafiqin, wa ghluz alayhim. Ghluz alayhim, ay soit dur envers eux. C'est le jihad au kuffar. et aux munafiqins, aux hypocrites, et sois dur. Ghulud alayhim. Ça montre que dans certains cas, c'est ce qu'on appelle al-hikmah. C'est ce qu'on appelle al-hikmah. Al-hikmah, ahyanan, c'est rahma wal-lin, la douceur. Et ahyanan, c'est la dureté. Al-hikmah, ça ne veut pas dire toujours t'as le sourire. Abadan. Al-hikmah, ça ne veut pas dire que tu laisses passer des choses. Abadan. Ça, c'est min mabadin nasara. Tu prends une claque dans la joue droite, tu te prends la joue gauche. Abadan. Al-haq, al-muslim, il est aziz. Al-muslim, il est aziz. Al-hikmah, c'est ça, tu mets les choses à sa place. Ahyanan, il faut de la douceur. Et c'est ça l'as, et c'est ça le plus. Avec tes parents, avec les awam, avec les enfants, avec. Arrif, il y en a, c'est de juhal, les pauvres, ils n'ont pas. Ahyanan, il faut de la shidda. Ahl al-bida, il fait du mal, il fait de la dawa. Il faut de la shidda, il faut des hommes, enfin. Si on le laisse, khalas, il va faire la mouda. Ou le kuffar, il se moque matalan, il a akhiré. Fa kullu shay, fi makan. كما قيل لكل مقام مقام لكل مقام مقام أما بعض الناس سد الجهال في هذا سد الجهال في هذا إذا مثلا دعي إلى الله يرد على مبتدع بالشيء من الشدة يدي آه يسوط خجور أو لا هذا كلام فارغ هذا كلام فارغ النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الخطب يدفني غوج في بعض الخطب إلى فلافوا إلى آخره إلى آخره فعلى كل حال سكيد موديس الحكمة متشخشوز أصبلا متشخشوز أصبلا قد يقول قائل كما شفر سيأتي بالعلم لهذا شغل الإسلام تدي اعلم لأن سيشوز الفين كمك العلم فلهذا celui qui fait دعوة إلى بعض علم il va emmener que de la que du mal il va faire du mal à lui et il va faire du mal aux autres إما il va faire fuir les gens إما il va les emmener لكن على الجهل il va leur dire n'importe quoi et ils vont venir et ils vont accepter ce qu'il dit et ce qu'il dit c'est faux. Prends l'exemple de Jama'at al-Tabligh. Jama'at al-Tabligh, mais ça c'est des juhal. C'est des juhal. Ils appellent à la religion, lui-même il ne sait pas. Et il appelle les gens, il n'appelle pas à Tawhid, il appelle à des choses que lui il voit. Ça c'est khata. Ça c'est khata. Ça c'est là, il a dit. Alors, on a compris que la da'wa, elle est mabniya à l'ilm. Si tu as du ilm, tu vas savoir quand est-ce qu'il faut avoir la douceur, quand est-ce qu'il faut être dur. C'est l'ilm qui va te régler. C'est l'ilm. L'ulama. Des fois, tu le vois avec une personne, il est doux. لأن سعام يبخل الإجابة للبروفيت عيسى والسلام دخل رجل في المسجد فبال في المسجد طائفة من المسجد في زاوية من المسجد dans un coin du masjid il est parti la uriner c'est un miskin جاهل il sait pas عربي بدوي c'est un bédouin il connaît pas هذه الأمور النبي عليه الصلاة والسلام avec lui il a employé la douceur لماذا لأن سعام جاهل avec lui il faut la douceur si tu lui prends dur il va sauver il va te laisser ça tu le prends avec la douceur النبي صلى الله عليه وسلم il lui a montré Il lui a dit أن المساجد ليست ما بنيت لهذا ثم il a demandé à un sahabi va chercher de l'eau ils ont mis de l'eau sur le rythme et انتهى الأمر c'est fini et il lui a montré البدوي tellement qu'il a été touché il a fait دعاء il a dit اللهم ارحمني ومحمد c'est un بدوي مسكين il a dit pour محمد et lui فقط il savait pas. Prends un deuxième exemple. النبي عليه الصلاة والسلام dès que معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى بالناس العشاء اي لا طول الى allongé الى يعني لا prié avec sourate al-baqara في العشاء sourate al-baqara كما تعلمون يعني تفوق ام وين غدني هكذا pour la lire 2 heures 1 heure et demie pour la lire al-baqara il aura lu رضي الله عنه sourate al-baqara ça ça montre حرص الصحابه على الخير معاذ بن جبل لابن بنياه et il était jeune et il avait de la quwwa un homme il s'est plaint. Bel un homme, il est sorti de salat. Mina sahaba, il est sorti de la salat. Il est sorti de la salat, c'était trop long. Tumma, hasala shay baynahu wa bayna Mu'ad. Il s'est passé quelque chose entre lui et Mu'ad. Mu'ad, il lui en a voulu pourquoi il est sorti. Fa hada sahabi, il est parti se plaindre au prophète, alayhi salatu salam. Il a dit, ya Rasulullah, hasala kada kada kada. Le prophète, il est parti voir Mu'ad, il lui a dit, affatan anta ya Mu'ad. يعني est-ce que tu fais le fitna ya Mu'ad? Il était dur envers lui. Il était لماذا لان Mu'ad سعالم سعالم et il fait partie des élèves du prophète عليه الصلاة والسلام. Enfin, le prophète عليه الصلاة والسلام il a été يعني lui a parlé comme ça حتى يغفر لان المقام c'est un مقام لهذا القول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من احرص الناس على الخير فالى employé cette méthode ça te montre ايها الداعي ان احيانا انت كذا احيانا كذا et tout ça ça vient avec العلم لا تغتر بالجهال فلان ils sont durs او لا تغتر بالles autres ان فلان ils sont لا الميزان c'est le حق الميزان c'est le حق قال رحمك الله قال شيخ العثيمين رحمك الله أفاض عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو من محذورك سس الرحمة طلب الرحمة هذا أي تحصل بها على مطلوبك أي الله عز وجل يترحمي بدون اسكو تو فيو مثلا الجنه الله في الحديث اللي ابلي رحمه انت رحمتي قال وتنجو من محذورك الرحمه سك الله يدن اسكو تو فيو مثل الجنه اي تكخ de ce que t'aimes pas, mitlannar. Si Allah il te fait la miséricorde, il va te donner ce que t'aimes et il va t'enlever de ce que t'aimes pas, ou de ce qui te fait du mal. Ou il va te donner ce que t'as besoin et il va t'écarter de ce qui te fait du mal. C'est ça le rahma. Rahimakallah, fal'an, Cheikh l'Islam, il nous a fait une dua azima. C'est une dua azima. Qal, fal'ma'na, ghafar Allahu lak ma madha min dhunubik, wa waffaqaka wa asamaka fima yastaqbil minha. Hada idha ufridat al-rahma. الآن سويفي و بغفني على غيقل الرحمة سيلي تتسل الآن سي الرحمة سيلي تتسل سابدير كو الله يتغدن توتي بشي كي سباسي هذا قوله فالمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك أي الله يتغدن كي سباسي أبو إيه يتوفق دون سكي بغفنير دون لغفنير في المستقبل في المستقبل اي الله يتفسدي سي صار رحمه اشتدي مثلا جدي اسماعيل رحمك الله اي كالله يتفردن تبيشي دافون اي يتفسدي le chemin que tu vas prendre hein. Il te facilite, il t'ouvre les portes, il arrête, c'est ça rahma. Dès qu'elle est toute seule aïe, toute seule dans un texte قال أما إذا قرنت بالمغفرة فالمغفرة لما مضى من الذنوب والرحمة والتوفيق للخير والسلامة من الذنوب في المستقبل الآن المغفرة ça ressemble à الرحمة. Ils traduisent al-rahma par la miséricorde et ils traduisent al-maghfira par le pardon. Et le pardon et la miséricorde, ça se ressent. Enfin, s'il y a les deux, al-rahma, ça va être pour les péchés qui sont passés. Et le maghfira, ça va être qu'Allah te waffaq dans l'avenir. Et s'il y a un des deux tout seul, il englobe l'autre. C'est comme Ar-Rahman et Ar-Rahim. C'est comme l'Islam ou l'Iman. C'est comme Al-Faqir ou Al-Miskin. C'est des mots en arabe. Si il a qurinat ou qurinat ma'a l'akhar, tafstariq al-ma'na. Wa id aftaraqa minas, tajtami' al-ma'na. Tajtami' al-ma'na. Ala kulli hal, i'lam rahimak Allah, al-Cheikh l'Islam, il t'a fait une invocation qu'Allah il pardonne tes péchés et qu'il te facilite ton avenir. Qu'il te facilite ton avenir. C'est une dua azima. وصنع المؤلف رحمه الله تعالى يدل على عنايته وشفقته بالمخاطب بالفتح قال وقصد الخير له وهكذا الدعي إلى الله صح حال العلماء الربانيين تتخفز من أرحم الناس بالخلق فهكذا نحن إن شاء الله القص هداية الناس le but c'est de guider les gens si t'es à la ilm le but c'est de guider anta va pas croire que les gens ils vont t'écouter du jour au lendemain abatan la bout de tasbir يعني du temps بعض الناس مثلا tu trouves il a été élevé 50 ans sur une bid'a 50 ans sur une bid'a tu trouves مثلا العوام عندنا tu trouves depuis qu'il est petit tarbiya sawiya ils lui ont appris le qubur ils lui ont appris kada 50 ans anta t'arrive du jour au lendemain tu lui dis kada là pardon c'est facile il va te dire لا لأن الوقت له أثر فأنت تدسمه شنو موت كجلو من خير برحمة هذا كلام هادي بلين برفق إن شاء الله يحصل خير فلا ينبغي الداعي إلى الله يستعجل التمرة لا تضل لها كذا النبي عليه الصلاة والسلام ودي بيزو كما سيزة تتخبو دي الزاني أبخى حجة الوداع ما شاء الله فالرحمة قال ومثال ذلك تعلمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى الطائف وديبيد للدعوة النبي اللي تنقر مكة إيه استفابوك مع مكة النبي صلى الله عليه وسلم دو طوز الضوء يسوحت مكة بوفر الدعوة هذا سنرد على جماعة التبليغ يسوحت با 5 عام النبي صلى الله عليه وسلم يسوحت وحدة النبي صلى الله عليه وسلم يلعب دو علم النبي صلى الله عليه وسلم يمت با جواء طائف 3 جور 40 جور ما في من هذا تو ساس من بدع هؤلاء الدعوة تحتاج إلى علم إنت بزن ليميتي دون مكان و دون زمان لا t'as besoin de 4 jours, fais 4 jours. T'as besoin d'un jour, t'as besoin d'une heure, ça dépend. Amma, tu mets 3 jours. Et hadas kulhu min al-bida. Et kadali, celui qui sort, c'est celui qui a du ilm. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est mu'ayyid bil-wahi. Amma, là, tu vois des gens, il ne sait même pas parler. Pardon, il ne sait même pas faire l'auto. Tu le vois, il veut faire da'wa li-umma. Da'wa li-umma. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى هؤلاء استاد المشركين et les a appelés إلى الله عز وجل. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rassemblé tous les enfants de la قرية, du village, et ils ont ordonné les enfants d'aller jeter des cailloux à النبي عليه الصلاة والسلام. حتى يعني عليه الصلاة والسلام إلى السنة إلى السنة يعني اللي هو في كل الصوف صوف إلى آخره ضربوه. الله عز وجل il a envoyé un ملك كما في القصة. Il a envoyé un ملك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الملك il a dit للنبي صلى الله عليه وسلم أمرني أي أردن-moi d'écraser les deux montagnes. Il y avait des montagnes, c'était un قرية entre des montagnes. D'écraser la montagne sur eux, ça va être fait. النبي صلى الله عليه وسلم il lui a dit لا. Il lui a dit là, لعل الله عز وجل يخرج من هؤلاء قوم أو قوما يعبدون الله لا يشركون به شيئا. انظر الرحمة. Il sait que c'est des juhal. Il sait qu'il va avoir aucun bien de يعني, les exterminer. Ça montre shafaqat al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça te montre que le da'i ila Allah la yantaqi nafsih. Tu es un da'i ila Allah, tu fais ça pour Allah. C'est pas tu vas faire une da'wa, une personne a te dit une kalima, khalas, c'est la guerre. Là, tu dois pas défendre ton nafs. Il t'a, je peux t'assumir. Le but, c'est que tu le guides. Ouais, c'est un jahili, c'est pas. Ouais, il sait pas. Et tout ça, il y a des dawabis, ça dépend de la personne. Ah, mais si c'est un mu'anid, c'est un mubtadi', c'est un kafir, il fait exprès, c'est un autre. Mais nous, on parle al-juhal. Al-juhal. Ou c'est un kafir, c'est un jahil, et tu peux lui montrer ou à tarjoumé, tu lui montres. La'allallah yamfa. La'allallah yamfa. Qal. Qala, Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, i'lam, rahimakallah, annahu yajib alayna ta'allum arba'a masail, al-oula, al-ilm, wa huwa ma'rifatullah. قوله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قوله يجب أي على جميع الأمة على جميع الناس. الوجوب ينقسم إلى قسمين كما تعلمون. Le fait qu'Allah ait rendu une chose obligatoire, ça se divise en deux. Ça peut être obligatoire pour tout le monde. Ça s'appelle وجوب. Qu'est-ce que ça s'appelle عندمن ها احسنت وجوب العين وعيني اي pour tout le monde فرض عيني وجوب عيني اي tout le monde personne n'a d'excuse. مثلا le fait d'apprendre la salat c'est وجوب عيني personne n'a d'excuse. Le fait d'apprendre tawhid c'est tout le monde petit grand femme homme vieux jeune tout le monde خاصة هذه المسائل المسائل التي سيذكرها الان شيخ الاسلام فجميع الامه doivent les apprendre. C'est pas que pour talabat al-ilm, là. C'est pour l'awam, c'est pour les petits, c'est pour les grands, il a akhri. Fa i'lam, ou annahu yajibu alayna ay wujub ayni. Le deuxième qisme, c'est al-fard, ou al-wujub al-kifa'i. Ay idha qama bihi al-ba'd, saqata an al-akhri. Mithal, matalan, al-tawassu' fi al-ilm. Matalan, al-tawassu' fi ilm al-fara'id. Wama yu fi al-arba'in nawuya shay min ilm al-mirab. Ça, c'est pas pour tout le monde. Maintenant l'héritage, maintenant les quatre divorces, maintenant التوسع في الفقه, في مسائل الفقه, التوسع في مسائل العقيدة, معرفة الفرق, الضالة إلى آخره. Ça c'est les ulama ou talabat al-ilm. Hatta si l'awam ils ont besoin, ils demandent. Fas'alu ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamun. Hala, hala. Wa faites muraja'a de tawalla qalil fi hadha, faites muraja'a de al-maratib et de i'lam rahimakallah, et ghadan inshallah nabda, et à partir de l'an ça va aller assez vite, li anna al-usul al-thalat qu'il a mis fi al-masail al-arba, elles vont venir après, elles vont venir après. Fa ghadan inshallah on avancera akthar. Wa al-qazz al-fa'ida wal-fahm. وفق الله الجميع سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Celui qui a échoué, tfaddal. Celui qui n'a pas compris une chose qu'on a vue, tfaddal. Tfaddal. Le fait qu'on l'a rendu obligatoire, c'était deux choses. Ça se divise en deux. Aïe, obligatoire pour tout le monde. Ça s'appelle wujub aïni. Aïni. Ça, c'est pour tout le monde. Le deuxième, al-fard al-kifa'i. Ça, si certaines personnes le font, c'est pas obligatoire pour les autres. Mais que salat al-janaza. Salat al-janaza, fard kifa'i. Maintenant, dans Nahlul An, il y a mort. C'est pas obligé de tout marquer, il va salir. C'est afdal. Mais si une partie de frère elle va, nous c'est pas obligatoire. Si on veut on y va, c'est mieux, si on veut on reste. Ça s'appelle amma matalan salat al-dhuhr. Salat al-dhuhr qui va arriver, c'est fard ayn. Tout le monde doit y aller. Tout le monde doit y aller. S'il a les shurut, c'est aqil ila akhir. Khalas, naqif huna. Hayyakum Allah.